J'entends le vent qui murmure le son de ton nom. Guide-nous deux à eu tort, qui a eu raison. Je t'ai vu partir, j'étais là, je t'ai supplié. Et debout en silence, je te voyais t'envoler. Comment ai-je pu te laisser t'envoler, t'envoler? Et entre mes doigts, je t'ai laissé t'envoler. Quand cet amour se meurt, et puisque c'est fini, je n'ai plus rien à ajouter, excepté la peine que j'ai de t'avoir négligé. T'envoler. Et entre mes doigts, je t'ai laissé t'envoler. Et entre mes doigts, je t'ai laissé t'envoler.